victoire, pas la défaite. Je voulais voir plein de choses, mais c'est toujours pareil. Je te confie des trucs et tu le répètes. Ce qui sort de ta bouche, ça vient de tes oreilles. J'ai séparé des gens qui voulaient pas de bien. J'ai réparé son cœur avec mes deux mains. J'ai donné sans attendre, mais je suis déçu. Je suis derrière mon iPhone, ça me répond plus. Je connais ceux qui te braquent sans pas sur Insta. Je connais ceux qui te cherchent pour moins de 10K. Mère en déficit, changement de visage. Père en dépression, changement de vie. Comment grimper au sommet quand y a pas le minimum? Soit tu sues, soit tu penses comme ils font les hommes. Comment je vois mon avenir avec un minimum? Partir un peu nous deux, puis revenir à trois. Je prends quand même la vitesse quand je ralentis. Je prends des nouvelles du ro et ça conduit. Moi on m'a dit quand t'aimes, bah tu comptes pas. Moi on m'a dit quand t'aimes, bah tu comptes pas. Ça découpé des kilos, fais tes sourires. Moi je suis Robinho, toi t'es Senoura. Y'a que des carottes, t'as qu'à la boca. On se fait la roquette, on paye la boca. Seul dans ma tête, pour guérir j'oublie tout. Bédo, barrette, et je me roule un péto. Des vies s'achèvent, et des liens se dénouent. C'est l'eau, plaquette, on a tous à chez nous. Seul dans ma tête, pour guérir j'oublie tout. Bédo, barrette. Et des liens se dénouent, c'est l'eau, la caisse, on a tous à genoux. Je voulais que ton bien, toi c'est pas vrai. Je voulais te montrer que nous deux c'est la même. J'aimais bien des gens mais ils sont partis. On se reverra plus tard, on se reverra jamais. Moi Alhamdoulilah ça va parce que je vais m'en sortir. Avec l'aide du bon Dieu, celle de ma team. J'aime pas les pointeurs, ils méritent des pointus. J'aime pas les acteurs et tout ce qu'ils imaginent. Dans leur tuté, ça part en couille. On a porté les notes quand il y avait des embrouilles. On n'a pas fait les 6 gros devant la salle. Ah non, on fait partie des gens qui niquent leur vie sur un coup. On démarre la bécane pour faire un tour. Les flics c'est des fils de pousser les loups. Entre eux mais la plupart ils sont mauvais. Entre nous celle qui fera délover sa mère.